J'ai ton reflet, j'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps, dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça, j'invoquerai tous les vents, pour te souffler mes sentiments, défierai tous les géants, te prouver comme je suis grand. Ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet, j'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps, dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara. Pour toi je ferai tout ça, hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura. Je ferai tout ce qu'il y aura pour te sentir près de moi. Ce peu restant que l'on vit, ce simple passage qu'est la vie, je veux t'aimer aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet, j'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps, dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Envahi par une telle obsession, je me sens ivre de toi, oh bébé, mais je ne sais pour quelle raison je suis tombé fou de toi. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet, j'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps, dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça.